I met you, you met me. Got you under my skin. I got you just right here on my screen. I love it. J'ai pas de repères, j'ai pas d'envie.